Tonight, we come together bound by our faith with genuine respect and inheriting the legacy of a great party. This is not a perfect party. We are not a perfect people, yet we are called to a perfect mission. Et bonjour à toutes. Oh, fait des siennes. Alors, bonjour donc dans cette émission de la boîte à bordel de décembre. Nous allons partir dans un petit voyage exploratoire dans le monde de Versatile, label parisien créé par Gilbert en 96. C'est connu dans les mouvements alternatifs. Alors j'ai une petite voix parce qu'hier il y avait un concert à Gigore-et-Lozeron dans la Drôme de Tolar, une tournée d'adieu qu'ils ont fait, qu'ils font d'ailleurs. Voilà, et il y avait donc Lovatarax également et Fun Kid, DJ Valentine, ouais, un peu de Darkwave, etc. Donc je me suis bien amusée, c'était sympa, mais bon, faut venir faire l'émission après. Voilà. Sinon, donc dans notre petite émission, nous allons parler ensemble de Versatile, donc une petite sélection des artistes un petit peu représentés dans ce label. Également, après, une petite rubrique nouveautés avec pas mal de nouveautés. et puis, on verra pour le qu'est-ce que c'est. Donc, un petit déroulé, on va commencer par iCube. Il y a Nicolas Ché, un artiste français, qui a sorti un album assez récemment qui s'appelle iCube. Et je vous avais présenté d'ailleurs ce morceau-là. Bon, c'est la redite, mais je l'aime beaucoup ce morceau. Ça s'appelle 00148. Et ensuite, on partira un peu avec Zombie Zombie, etc. Voilà. Alors, on commence la petite sélection avec 00148. Le micro a effectivement un petit souci technique. Hein. Je ne sais pas s'il y a des gens de radio de derrière leurs enceintes, mais c'est pas grave. Ça fait un. Ça se surajoute à ma fatigue. Mais voilà, on va se réveiller tous ensemble grâce à iCube qui va arriver là. Vous voyez là. commence alors avec iCube, morceau un peu psychédélique hein, dans l'idée. Ensuite, je vais vous présenter le groupe un peu qui m'a fait rentrer dans le label, entre guillemets, éveiller ma curiosité. Donc, c'est Zombie Zombie. En fait, la première fois que je les ai entendus, c'était à une émission sur France 2 qui s'appelait Ce soir ou jamais, présentée par... je ne sais plus comment il s'appelle, mais bref, c'était une émission hyper intéressante de débat politique. Et on ne sait pas d'ailleurs s'il n'a pas été censuré. À la fin de l'émission, il y avait toujours un groupe. Et là, ce jour-là, donc, il y avait Zombie Zombie qui y jouait. Et j'avais regardé parce qu'il y avait Raymond Depardon qui avait été invité comme photographe. Et donc, je suis tombée sur Zombie Zombie comme ça par hasard. Et ils avaient donc joué le morceau que je vais vous passer. Donc, c'était Zombie Zombie qui reprenait John Carpenter, le célèbre. Voilà, Frédéric Taddeï, l'animateur de l'émission Ce soir jamais. Du coup, Zombie Zombie, donc, qui reprenait John Carpenter, qui faisait donc des bandes-son de films d'horreur assez connus dans les années 70, on va dire, et aux États-Unis. Et donc là, c'était Halloween qui a été repris. Et donc Zombie Zombie, qui est un groupe formé de trois musiciens, donc Cosmic Neyman et Dr. Schoenberg aux batteries, donc c'est une double batterie. Et Étienne Jomet, donc au clavier et au chant et au saxophone. Voilà, donc une petite sélection. Alors, on aura ensuite A Land for Renegade, hein, qui était un album qui a bien fonctionné. Et ensuite, je vais vous passer deux morceaux de Étienne Jomet seul, qui a fait deux albums, enfin plusieurs, mais en tout cas là dans ce que je vais vous présenter, donc un qui s'appelle La Visite avec le morceau de l'album La Visite qui m'a le plus marqué, enfin qui je trouve assez drôle en tant qu'infirmière, je trouve ça rigolo cette prise de conscience de son corps a posteriori, on va dire le temps préventif où il était encore temps de pouvoir se soigner. Et là, voilà, il expose un petit peu toutes ses problématiques de santé. Et ensuite, Étienne Jomet encore avec un morceau qui s'appelle Caravane, qui est sur l'album 8 regards obliques. Allez, alors, allons-y donc dans l'horreur avec donc Halloween par Zombie Zombie. We'll be right back. le cirque de mes molaires, j'entendais le groupe parti sans moi, déjà loin dans l'œsophage. Et les paroles du guide, rendues inintelligibles par l'écho. À la visite de mon corps, je suis arrivé à l'intérieur. Voilà, la petite série sur Zombie Zombie Étienne Jomé. C'est un beau petit voyage. Et Zombie Zombie ne sont plus chez Versatile. Ils ont signé chez Born Bad Records pour la petite histoire, parce qu'il y avait Lionel qui avait fait une émission il y a quelques temps. Là, ils avaient sorti un album vinyle en latin. Et voilà. Bon, du coup, je ne le passe pas, vu qu'ils ne sont pas chez... ils ne sont plus chez Versatile, mais malgré tout, bon, ils ont quand même été assez prégnants dans le label. Ensuite, je voulais aller chez avec Acide Arabe dans les voyages dans le monde oriental. Et là, en fait, c'est un producteur qui s'appelle Renard. C'était dans les premières compilations Acide Arabe, donc Acide Arabe qui va chercher aussi des artistes un peu partout dans le Moyen-Orient, enfin un peu des artistes qui sont pas assez connus peut-être, mais enfin qui méritent une attention, et comme Omar Souleymane qui a été assez popularisé grâce à eux. Là, Renard, un producteur français qui a été sollicité pour faire un morceau, et ce morceau s'appelle Sarah Mintahab. Il y a des trucs assez drôles dans ces compilations. Ensuite, je vais vous passer un autre morceau dans une compilation qui s'appelait Musique de France, de Acide Arabe, avec le morceau Gul Labi. Donc c'est une coproduction Acide Arabe et Awa. Et ensuite un dernier morceau de Sem Yildiz, une artiste turque, avec le morceau Dene Dene, sur leur dernier album qui s'appelait Tleta 3. Enfin, voilà. Donc on commence avec Renard. Ah non, j'ai dit que je ne ferai pas cette blague. Le dessin animé un peu chelou qu'on nous faisait voir sur France 3. Rien à voir. Thank you. حاليا يا حبيبي شوفني بعينك يا حبيبي بعينك تشوفني يا حبيبي وترمي وترمي محبتنا حاليا Şu feleğin sillesine döndüm. döne döndüm yarda gönlüm onla açtım gözümü. Şu feleğin sillesine döndüm durdum yüzümü. Döne döne döndüm yarda gönlüm onla açtım gözümü. Şu feleğin sillesine döndüm durdum yüzümü. Enchaînement de morceaux de Acide Arabe, des petits voyages un petit peu partout là, donc c'est sympa. On va continuer avec Château Flight, qui est en fait un duo de Gilbert, donc le patron du label, hein, qui a fêté ses 25 ans, le label. Il n'y a pas très longtemps, et là en fait c'était sur la compilation de Versatile 15 ans, c'était un morceau que j'appréciais beaucoup, ça s'appelle Cosmic Race, non pas dans mes élans mystiques, hein, c'est pas ça, mais déjà à l'époque je trouvais que c'était sympa quand on tombait sur des morceaux qui on ne sait pas trop pourquoi ils disent ça, hein, voilà. Mais l'ambiance est assez... comment dire, c'est vrai que beaucoup dans les intentions de rendu sur la musique qui a trait à l'exploration spatiale, on était un peu trop, je trouve, resté dans les années 80-70 avec les Moog, avec une manière de, voilà, de bloquer l'imaginaire auditif, on va dire, alors que là c'est tout aussi amené, on va dire, dans ce morceau. Et voilà. Après, on a aussi Château Flight qui a sorti un album, enfin un EP qui s'appelle Kunkka, trois titres que je vais vous présenter. Bon, c'est un peu la sauce afro, c'était assez. Comment dire. Il y avait beaucoup de morceaux dans les années 2000 où il y avait un côté comme ça où. On mettait en valeur côté un petit peu des percussions rythmiquement, voilà. Et donc je vais vous passer donc ces deux morceaux et ensuite on ira aussi dans ce genre-là un peu afro, on va dire afrobeat peut-être pas, mais enfin voilà, inspiration grandement, c'est pas, enfin ça a été grandement inspiré. Voilà, les soirées. Faut que j'arrête de sortir le lendemain et de faire l'émission le lendemain du mois. Bon, Cosmic Race. Voilà. We'll be right back.

c'était Shutterflight, donc avec le morceau Kunkka qu'on vient juste d'entendre et juste avant Cosmic Race. Et là, donc je voulais vous passer un mix de iCube et de John Cravash, un projet qui s'appelle Chimère FM. ça c'est étonnant comme concept. Et là, ce morceau s'appelle La Drogue. Voilà. Utiliser des gangs. sera largement suffisant. Et là, je mets en forme. Il aurait fallu mettre un peu plus de charge. Il y a des fois où ça me dérange de faire un creux. Mais inutile de créer des traits de ponçage trop importants lorsque ce n'est pas le cas. Et puis, beaucoup. Le rôle du ponçage est de créer la croche mécanique pour recevoir le bâton. Voilà, Chimère FM. Morceau La Drogue, et qui est sorti il y a un an. Alors, c'est sur une plateforme de streaming, c'est pas sorti sur un album. Alors, peut-être que ça va l'être prochainement, on ne sait pas. Joan Cravache, donc un artiste français qui a sorti aussi un album tout seul, un album qui s'appelle Cité Nomade. C'est particulier, avec des textes aussi assez originaux. Alors là, je vais vous passer deux morceaux, un qui s'appelle Le Petit Peuple, suivi de Jacksonville. Petit peuple fanatique, impatient, se rêvant savant, grand âge de l'instant présent, croyant au champ d'honneur en fin de journée. Tu combats la marée illuminée, terrifiée. Toi, l'avocat de tous les dangers, tu connais l'attitude pendant l'orage. Petit peuple fantasmé, imaginé. Thank you. les ancêtres, honorer les spectres. Anges qui hurlent dans le ciel. Fils, la maison d'Elvis, honorer les fils de l'horizon. Sublimer les prisons, traverser l'horizon, cristalliser les souillures de Mercure. C'était deux morceaux donc de John Cravash sur l'album Cité Nomade. Donc on a écouté là à l'instant Jacksonville et juste avant Le Petit Peuple. Je trouvais ça très beau cette façon de déclamer mieux que ce que je suis en train de faire d'ailleurs. Enfin bref, c'est sorti en 2016. On va presque terminer cette sélection pour aller en fait sur un album de Gilbert. Alors Gilbert, le patron du label, qui s'appelle aussi, son vrai nom c'est Gilbert Cohen, et qui est donc qui était plutôt à récolter, on va dire, les albums des uns des autres, même s'il a fait quelques coproductions, mais il a pas tellement œuvré seul. Et là, en fait, artiste, du coup, il a fait un album qui était assez intriguant. C'est un album où il s'est enregistré après avoir rêvé. Il a enregistré le rêve qu'il venait de faire, donc une bande de son juste avec sa voix. Et ensuite, il crée en fait un morceau électronique par-dessus. Alors, ça fait des petites bandes comme ça de 1 minute, 1 minute 20 avec un petit fond sonore. C'est assez rigolo comme concept. Donc j'ai sélectionné 4 rêves. Et donc ça, c'est un album qui est sorti en mai 2022. Et après, du coup, je vais vous partager son dernier album qui est sorti en novembre 2022. Alors c'est pas celui On danse comme des fous, c'est encore un autre qui s'appelle Exo. C'est un album qui a combien de titres? En fait, c'est un single. un album d'un seul titre. Et parce qu'en fait, Gilbert vit désormais aux Pays-Bas, à Amsterdam. Il vit plus à Paris. Donc, il disait qu'en s'isolant, finalement, n'ayant plus trop autant de sollicitations extérieures, il a réussi à plus s'isoler. Il était un petit peu effrayé par l'ordinateur et la musique assistée par ordinateur. Ça l'avait un peu bloqué un long moment. Et puis là, maintenant qu'il a débloqué un peu ce truc en lui, dans la compréhension de certaines choses, il dit qu'il est beaucoup plus productif. Donc voilà. Donc là, je vous passe 4 extraits de J'ai rêvé. Alors on va aller au rêve 2, le rêve 7, le rêve 14 et le rêve 19. En tout, il y a combien de rêves? 26 rêves. Voilà. Et donc c'était. Voilà, c'est sorti donc, en mai 2022. J'étais en Israël, c'était un peu la fin du monde. Les gens étaient hustling, ils travaillaient plus. Moi, j'avais une voiture et je cherchais à aller à l'aéroport. J'avais pas de GPS. Bref, je me retrouve sur une espèce de place qui ressemblait un peu où était le place à Yafo. Comme ça, avec de petits magasins. J'avais envie d'un gâteau tunisien. Bref, et je passe devant un genre de glacier tenu par deux petites vieilles très mignonnes. Donc la petite vieille qui servait devait avoir 80 ans. Elle avait comme des cheveux un peu mal teints, rouges comme ça. Avec des petits chouchous et des élastiques dans les cheveux comme ça. Dans un truc un peu de black quoi. Et celle qui faisait les glaces derrière, elle était encore plus vieille. Et moi en fait j'avais pas du tout envie d'une glace, j'avais envie d'un zabaillon. Elle me dit non, j'ai pas un zabaillon, j'ai de la glace à l'amande. Bref, à un moment donné, j'ai compris que j'allais quand même devoir l'acheter là. Parce qu'elle était trop mignonne, j'allais pas pouvoir lui refuser. J'ai rêvé. Je sais plus avec qui j'étais. Et je ne sais plus pour quelle raison. On allait me couper la tête avec un sabre. Japonais. Mon accord. Et donc j'étais debout face à mon bourreau quoi, qui allait me couper la tête. Et c'est lui qui a mis une cagoule pour faire le truc. Et donc j'étais d'accord, je me tiens face à lui, je lui dis ok. Vas-y. Et là le mec il va pour le faire. Et en fait il a une hésitation. Vraiment il a l'hésitation, je dis c'est trop tard. Thank you. Lui, il le fait pas, il s'en va. J'ai rêvé que les mots avaient une valeur nutritive. C'est-à-dire que quand tu manges, je sais plus exactement, mais ça se peut. Quand tu parles, faut que tu manges en même temps. Sinon, ce que tu dis, je sais plus. J'ai rêvé que j'allais chercher mes enfants à l'anniversaire. Qu'à un moment donné, on parle et à mon fils l'appelle, je lui dis ça va négro. Et en fait, je me rends compte que mes deux enfants étaient noirs et que je me suis mis à parler de ce sujet avec eux. Pourquoi il fallait pas le dire et dans quel et pourquoi ça pouvait être offensif à certains moments et pas à d'autres pour moi. Voilà, c'était Gilbert. Et la sélection sur le label Versatile, donc dans cette boîte à bordel. Et maintenant que on a tout terminé, tout lu, ou presque. Non, il y a énormément de références sur Versatile, j'ai dû faire des choix, on va dire. Mais peut-être qu'il y aura une partie 2, comme il y a des labels qui sont tellement étoffés que c'est compliqué de faire une petite sélection en 1h30, on va dire. Donc là, comme c'est la nouveauté... Je suis carrément comme ça, quoi. C'est ouf. C'est bien aussi hein, de se poser des fois. Alors dans les nouveautés, c'est 22h13, je ne peux pas exagérer. Alors j'avais une Ash Walker que j'ai découvert sur une émission qui passe sur la radio Proc Radio. Ouais. Parce que tant pis là, et ben, le 89.5 c'est pas Radio Duo. Alors quand vous êtes vers Gré, la Versane, vous entendez un peu les deux, c'est très rigolo. Mais dans certains endroits, quand vous montez au col de la Croix du Chauburet, tout ça, parfois il y a des endroits où vous entendez et radio, et croque radio. Enfin, donc j'avais écouté donc, une émission un soir, et il y avait, c'était l'émission Céloneïde, qui est sympa. Et donc c'était Ash Walker, un musicien londonien qui fait du très jazzy, trip-hop, un peu dub, soul. Et il a sorti c'est pas tout à fait de novembre 2023, mais j'ai trouvé vraiment que sa prod était vraiment surprenante. Donc, le morceau s'appelle Détroit Velvet Smooth sur l'album Astronaut. Ensuite, j'ai un producteur français qui s'appelle Chien Méchant, enfin, c'est un duo. Ce chanteur, la voix, je trouve, les textes sont très très marrants, un peu comme ce que je vous avais passé avec Antoine Pell, un peu avec Altage. Donc là, il y a un titre qui s'appelle Club de l'ennui, je vais en passer qu'un, même si l'autre est aussi sympa. Il y avait Aube, à faire des choix. Ensuite, il y a Nova Materia qui avec Simocel qui a sorti un single qui s'appelle Don't Play, là, en novembre. Et je pense que ça sera très bien. Et ensuite, je vous ferai mon petit qu'est-ce que c'est. Voilà. Et je rentrerai dans le froid. Alors, let's go. Avec Détroit Velvet Smooth, Ash Walker. idyllique. Tu lisses ma fourrure comme un habit haute couture. On s'est connu la nuit, jamais vécu le jour. Mais dans mes rêves, mes écrits, tu apparais toujours. On se retrouvera dans les clubs de l'ennui. Je penserai à toi dans les lieux interdits. pour cette boîte à bordel, spécial label Versatile. Et juste pour les nouveautés qu'on vient d'entendre, donc c'était Nova Materia avec Simocel en featuring qui a sorti un track qui s'appelait Don't Play. Juste avant, c'était Chien Méchant avec le Club de l'Ennui. Et Ash Walker avec le morceau Detroit Velvet Smooth sur l'album Astronaut. Alors, pour finir, alors juste deux choses, trois choses. Donc, il y a quelques petits événements, juste voilà, synthé. Sur, j'avais annoncé l'émission précédente, mais toujours bon de leur dire. Donc, le vendredi 8 décembre, c'est la soirée dub au fil. Alors, avant, à la cale, donc il y a une soirée qui est proposée. Fedaï Pacha qui va faire une petite sélecta et également par rapport à la compagnie de danse pour qui il a produit des sons. Donc il y aura une démonstration de danse africaine et une petite sélecta par la suite. Et il y a même des repas qui sont proposés africains si vous voulez vous inscrire, parce qu'apparemment il faut préparer en fonction des commandes plus que quelque chose qui sera déjà tout. Enfin, c'est pour éviter peut-être le gaspillage, je suppose. Voilà. Donc ça, ce sera à la cale vendredi soir. Et ensuite, au fil, donc il y a Synthé Live Dub. Donc c'est Raccoon, On Dub Ground, Bizou et Ashkabad. Donc qui se produisent donc ce soir aussi le 8 décembre. Ensuite, qu'est-ce que je voulais dire qu'on se reverra, on s'entendra, vous m'avez compris, l'année prochaine. Et donc j'avais un dernier morceau que je voulais passer. J'ai dit pourquoi pas. Alors en discutant avec Chloé de l'émission de la CNT, elle était étonnée que je passe ça. Je dis mais oui, c'est parce que j'aime bien passer un morceau qui n'a rien à voir après. Et enfin rien à voir. Qui est différent de ce que je de ce qu'on peut enfin de la sélection des nouveautés, etc. Et donc là c'était parce que je voulais passer Trust en fait, et je me dis mais je connais pas Trust, je fais comment tu connais pas Trust. Donc du coup on va passer le morceau qui est l'hymne de tous les contestataires des années 80 avec le morceau Préfabriqué. Alors je vous souhaite de bonnes fêtes, j'en sais rien. Prenez soin de vous. Un non n'est toujours pas un oui. Soyez forts malgré tout ce qui peut se passer actuellement. Gardez la foi et allez au bout de vos idées. Voilà, bah, c'est ce que je pense faire aussi. Enfin, entre guillemets, en restant logique. Et à très bientôt. Salutations.